الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقبل الشروع في هذه الدروس دروس العقيدة أحب أن أذكر نفسي وإخواني في الله وفق الله الجميع بأهمية الموضوع أهمية تعليم العقيدة الصحيحة Avant de commencer في الدروس لابد أيها الطالب أخي المسلم Avant de commencer في الدروس tu dois connaître l'importance de العقيدة في حياة المسلم Plus la personne y connaît l'importance d'une chose plus Inch'Allah Ta'ala il va être motivé et il va tout faire pour acquérir cette chose pour comprendre cette chose فيجب على المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا العناية بعقيدة السلف الصالح المبنية على القرآن والسنة cette عقيدة عقيدة c'est la croyance cette عقيدة elle est fondée sur القرآن والسنة il n'y a pas de place pour الرأي أو الاستحسان لا c'est des مسائل توقيفية قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلمين العناية بهذه العقيدة قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي apprendre هذا العلم هذا الدين cette religion c'est une obligation pour chaque مسلم من أعظم العلوم وأنفع العلوم وأهم العلوم علم العقيدة أن la science la plus importante que tu as le plus besoin et qui te sera le plus utile أيها المسلم c'est علم العقيدة الصحيحة قال عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الله سبحانه وتعالى يكبر المعتقد الصحيح الكلمة الطيبة أي لا إله إلا الله le fondement de العقيدة الله سبحانه وتعالى il l'a comparé avec un arbre شجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء cet arbre il a des fondements solides في الأرض ثم tu trouves cet arbre il a des branches il a des feuilles il a des fruits tout ça c'est بسبب الأصل فهكذا المؤمن المؤمن qui a des fondements solides une عقيدة صحيحة فبإذن الله il va profiter de son علم il va profiter de ses أعمال فالعناية فعلم المرء وعمله لا ينفع إلا إذا أسس على أسس سليمة عقيدة سلفية la personne il profitera pas de son علم et de ses œuvres يوم القيامة إلا si tout ça s'est fondé على عقيدة une عقيدة solide صحيحة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. متفق عليه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام il nous montre, il nous explique via le hadith, أن si ton cœur, ce morceau de chair que le prophète عليه الصلاة والسلام il nous a démontré, s'il est bon, tout le corps il sera bon. S'il est mauvais, tout le corps il sera mauvais. Là, la chose qui va rendre ce corps bon ou mauvais, c'est l'aqida. Si elle est sahiha, le cœur il sera bon. Et tout le corps il suit. Si elle est mauvaise, cette aqida, wal'iyadu billah, le corps il sera, ou le cœur il sera mauvais, et tout ce qui suit sera mauvais. Nahnu, walillahi alhamd, on entame, on commence de nouveaux durus sur l'aqida. هذه الدروس مهمة جدا أهم ما يكون فطالب العلم il doit donner la plupart de son temps لهذا tout ce qu'il veut في العلم من عربية أو كتابة أو حفظ أو مراجعة tout ça c'est pour parfaire بإذن الله sa aqida parce que ça l'asl أنت en tant que طالب العلم tu dois savoir c'est quoi ton objectif. قال عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Allah t'a créé que pour هذا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et tu ne pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement إِلَّا si tu as une aqida sahiha. فطالب العلم ne doit pas confondre le but et les outils. Il ne doit pas confondre l'objectif et ce qui l'emmène à cet objectif. لا. وإلا طالب العلم في هذا الحال tu le trouves il est murtabik. Il a des chocos qui sont vaïfs. لأن il mélange. Il ne sait plus c'est quoi son objectif. Ou il ne sait pas c'est quoi le chemin qui l'emmène à cet objectif. فيتعب ويتعب غيره. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى إلى منطخي العقيدة الصحيحة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب. C'est pas البر. البر c'est la piété. فالله سبحانه وتعالى il nous montre dans ce verset حقيقة البر. لأن تعلمون أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام la qibla a changé. Ils étaient dirigés en direction de Bayt al-Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala amarahum a yastaqbilu al-qibla. فبعد الكفرة ils ont tant fait l'islam. فالله سبحانه وتعالى il a révélé ce verset. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. C'est pas ça le bir. C'est pas que ça. لأن la direction que tu prends pour salat, que ça soit en direction de l'Maghrib ou le Mashriq, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné une des deux directions, enfin on l'applique. Enfin, c'est ça le bir. C'est que t'appliques l'Illahi azza wa jal. فلهذا لا ينفع المنافق عمله. المنافق ولو يستقبل القبلة ليل نهار إلى قد عقيدة أو إلى عقيدة باطلة فلا تنفعه أبدا. وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية الله سبحانه وتعالى إنه مطر أنه عز وجل إلى فضل هذه الأمة بهذه الأمور إلا إلوذي إلا لأنهم إذا أبليكي ما ذكر في الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر tout ça c'est basé sur l'iman billah. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Cette عقيدة الآن qu'on va détailler بإذن الله عز وجل dans les دروس et on cite aujourd'hui les bienfaits de cette عقيدة. هذه العقيدة elle revient pas à ton opinion ou ton avis ou فلان il a dit أبدا. Cette aqida, comme قال عز وجل, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. Cette aqida, elle doit être comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. فإن آمنوا, أي ceux qui viennent après, بمثل ما آمنتم به, فقد اهتدوا. هذه العقيدة, elle a des fondements. Elle est tawqifiyya. لأن هذه العقيدة comme on va étudier بإذن الله dans les durus, c'est tout ce qui est en rapport avec l'invisible. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر, tout ce qui est en rapport avec le jannah wa nar, avec la mort, avec les signes de la fin des temps, tout ça c'est min umur al-ghayb. Tu n'as pas le droit anta de t'avancer dans une de ces masa'il illa bi'ilm. قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. Tu as le droit à ça. مثلا واحد يبخطو كالله الى cette صفه او الى سنه لا بد c'est un dalil min kitab Allah ou min sunnah rasulih alayhi salatu wasalam. فقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا كذلك ستمط أن من أعظم أسباب الهداية سجب العقيدة عقيدة السلف. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. La cause de cette هداية c'est اتباع السلف. لأن فإن آمنوا قولوا وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي الرسول والصحابة. فالسلوي كلام من croyance que هؤلاء بإذن الله لقيده فقد اهتدوا. قال عز وجل وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كذلك الله سبحانه وتعالى démontre dans ce verset أن celui qui délaisse cette عقيدة فإن تولوا أي التولي هنا c'est l'إعراب أي le fait de délaisser, de tourner le dos. فإن تولوا فإنهم في شقاق. الشقاوة والعياذ بالله وخسران أي la perdition. Ça te montre, ayyuha al-muslim, que tu n'as pas le choix. Fihada. Chaque muslim, s'il veut la guider et il veut as-sa'ada fi d-darain, yajib alayhi ittiba' as-salaf. Qal fa sayakfikahum Allah. Kadhalik tastafid min al-aya, anna celui qui te khalif dans ta aqida, ou il combat ta aqida, ou il critique ta aqida, il te fera aucun mal, illa an yasha Allah azza wa jal. فهذه العقيدة لها منزلة عظيمة عند الله وهي لديها فوائد كثيرة متعددة إن شاء الله si on apprend cette عقيدة et on l'applique bien sûr بإذن الله عز وجل ça changera ta vie, ça doit changer ta vie. Tu n'auras plus le même comportement, tu n'auras plus la même vision des choses. Tout ce que tu feras بإذن الله ça sera بعقيدة, ça sera لله. Pour Allah, tu détesteras pour Allah. Azza wa Jal. فمن فوائد هذه العقيدة المباركة أن العقيدة الصحيحة هي التي تحقق السعادة في الدارين. Cette عقيدة c'est la cause du bonheur pour l'être humain في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول لو أن أهل القرى أي les peuples qui étaient avant nous آمنوا واتقوا. C'est العقيدة الإيمان والتقوى. الإيمان comme on va expliquer en détail dans les durus, les six fondements de la foi, والتقوى est applique tout ça لله عز وجل. فسي les peuples avant nous ils auraient appliqué cette عقيدة الصحيحة ils auraient cru. قال عز وجل لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات الله سبحانه وتعالى il aurait donné à ses peuples وهو على كل شيء قدير بركات أي des biens من السماء والأرض. لكن بسبب إعراضهم وكفرهم الله سبحانه وتعالى هلكهم وعذبهم. قال عز وجل ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف وتأمل le résultat de celui qui délaisse l'aqida ou il la combat ou il la contredit. قال عز وجل فأخذناهم بما كذبوا أو بما كانوا يكسبون. الثانية le deuxième fruit أن هذه العقيدة الصحيحة المباركة من أعظم أسباب الفرج والرزق. Celui qui apprend sa aqida et il la met en application, tout ça pour Allah Azza wa Jal, c'est une cause. Allah subhanahu wa ta'ala, il le rizq. كذلك s'il a une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العقيدة في قوله ومن يتق الله التقوى est fondée sur l'aqida. Il y en a sept craintes qui est citée à plusieurs reprises dans le Coran, elle est fondée sur le mu'taqad al-sahih. Wa ta'ammal hal al-munafiqin. Al-munafiq fi al-zahir yattaqi Allah en apparence, il fait salat, il fait le hajj. Tout ça c'est en apparence. Ma hadha akhbar Allah subhanahu wa ta'ala annahum fi ad-dark al-asfali min an-nar. C'est pas des muttaqi abadan. هذه التقوى اللي باسي شغل العقيدة فالسلوي كست عقيدة صحيحة الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا المخرج سينيسيو تمالات تجمال في العلم تدي بخبلم في الدنيا تدي بخبلم دارجو توسا سي تبلك ست عقيدة الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج تصبر فقط لأن المؤمن إلي إبخوي كما قال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه فأنت عليك تبخط عقيدة tu l'appliques et tu patientes. الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق بالمخرج. الله سبحانه وتعالى يتبخمي بنسيو فالسلوي الآن كي العقيدة صحيحة لا يقنط من رحمة الله il désespère jamais أبدا il sait que le مخرج est قريب. قال عز وجل إن مع العسر يسرا. Après la difficulté, la facilité. وهنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من الفوائد كذلك أن العقيدة الصحيحة من أسباب تمكين المؤمنين في الأرض. Celui qui applique cette عقيده, cette croyance لله عز وجل, c'est une cause qu'Allah سبحانه وتعالى يمكنه في الأرض. التمكين في الأرض أي c'est eux qui auront le dessus sur les kuffars, sur les munafiqin, sur Ahl al-Batil. Tout ça le sebeb al-aqida al-sahiha. Qala azza wa jal wa laqad katabna fi al-zabur min ba'di al-dhikr anna al-arda yarithuha ibadiy al-salihun. Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada, il a promis wa laqad katabna fi al-zabur min ba'di al-dhikr anna al-arda yarithuha ibadiy al-salihun. Anna hadhi al-ard, ceux qui vont avoir le dessus sur cette terre, c'est Ibadullah al-Salihun. Et tu ne peux pas être salih illa bil aqida al-sahiha. La personne, il ne pourra pas atteindre la piété illa avec une aqida sahiha. Fal'an, tous les problèmes qu'on vit, qu'on voit, qu'on entend, anna al-muslimin fi kathir min al-amakin asabahum al-dhul min al-kuffar. Kam min al-muslimin al-an ils ont une aqida anna Allah il est partout. Et on va voir dans les doros des centaines d'adillah qui prouvent que Allah il est sur son trône, au-dessus des cieux. Comme min al-muslimin al-an, il a des mauvaises pensées, ou al-iyadu billah, su'adham, dès qu'il a un problème. Fillah azza wa jal. Comme min al-muslimin, ils ont un khalal fi masail al-qadr. Comme min al-muslimin, ils ont khalal fi al-asma'i wa al-sifat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis le nasr. إن تنصروا الله ينصركم لكن بالشرط ستسوى على معتقد صحيح. Tout ce qu'on voit الآن أن les muslims ils n'arrivent pas à avoir le dessus sur les kuffars بل ils sont humiliés في كثير من الأماكن أن الخلل il est هنا. C'est pour ça que avant d'espérer la victoire, avant de vouloir cette victoire, il faut renforcer l'aqida génération après génération. Et on l'apprend aux enfants, aux adultes, aux femmes, aux vieux. كل هؤلاء من المسلمين سيسوا على معتقد صحيح لا شك أن الرست سيفيندرا très facilement. تأمل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. Il a éduqué ses compagnons des années. في مكة الكفار ils les ont rejetés, ils les ont tapés, ils les ont torturés. لكن il a élevé une génération à l'aqida صحيحة. Quelques années plus tard, ils prennent مكة. في ذلك الزمن كفار قريش c'était impossible pour eux qui délaissent Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala quelques années فتح على المؤمنين لكن c'est basé sur عقيدة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم il a élevé des hommes مثل الجبال. أما واحد il est pas على معتقد صحيح la moindre chose il fait demi-tour. صلى الله ثبات. Le quatrième fruit أن تحقيق هذا المعتقد بسببه يبتعد المؤمن عن الشكوك والأوهام. Celui qui a une aqida solide, fondée sur le Coran et sur la Sunna, tu verras, Inch'Allah, il est loin des doutes. Et il est loin de Wasawis Iblis. Tu trouveras, il est thabit dans son din, dit-il. Amma l'an, katil mouna l'nas, ils ont des choukouk sur l'aqida. وبعض الناس si tu parles avec le qadr des مسائل في القدر il a des doutes. Ou في الصفات il a des doutes. Il est pas sûr de lui. لماذا؟ لان cette aqida qu'il a elle est pas fondée sur le Coran et la Sunna. ربما il a hérédité de ses parents ou il suit la majorité ou qui vit ou والعياذ بالله تاثر بالكفار. Fa tu trouveras qu'il a plein de doutes. اما المؤمن celui qui a la aqida sahiha فَلَشَّكَنَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَا أُكَنْ دُوتِ. Walaou, il y a des personnes qui le contredisent. Walaou, il y a des personnes qui se moquent. Walaou, il y a des personnes qui essaient de lui démontrer qu'il n'est pas à la haqq. Il n'a aucun doute. Maintenant, il sait que sa aqida est fondée sur le kitab et la sunna. الثَّمَرَ الْخَامِسَ, le cinquième fruit. أَنَّ تَحْقِيقَ الْعَقِيدَةِ مِنْ أَعْظَمْ أَسْبَابِ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْبُعْدِ مِنَ التَّفَرُّقِ. Si chaque musulman il fait des efforts, il apprend sa aqida et il l'applique, tu verras qu'automatiquement, bi'idnillah azza wa jal, il y aura al-ijtima', il y aura un rassemblement, il n'y aura plus de division. Amma, comment tu veux te rassembler ma'a wahid? Anta, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, il est fi sama, huwa, il dit il est avec nous. Wal'iyadu billah. Comment tu veux te rassembler ma'a wahid? أنت تجي عائشة رضي الله عنها سي أم المؤمنين سي لا فام دو بروفيت عليه الصلاة والسلام واحد يدي لا سي با اون مسلمة والعياذ بالله. كيف تجتمع مع هذا؟ كومون تجتمع مع واحد يدي الله سبحانه وتعالى إلا با دنو إلا با صفات إلا با دنو إلا با أتخيبي؟ كيف تجتمع مع هذا؟ هذا الآن سي با اون مؤمن سي كخوا با اون نو كخوا با اون أتخيبي إلا كوز عائشة رضي الله عنها. هذا كومون تو تغاسمبل إيك لوي؟ أصلا سي با اون مؤمن. Tu dois le détester, Villah Azza wa Jal. Fal'an, Wa'adannaz, ils appellent au rassemblement et ils délaissent ce asma. Qala Azza wa Jal, Wa'atassimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Ta'ammal al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit rassemblez-vous. Faqat, et ne vous divisez pas là. Qala Wa'atassimu bihablillah. Il t'a cité Azza wa Jal la chose sur laquelle on va se rassembler. Hablullah. Aïe, Al-Qur'an et Al-Sunna, Al-Islam. Si ce rassemblement il n'est pas autour du Qur'an et de la Sunna, il n'y a pas de rassemblement. Abadan. Qala Azza wa Jal, وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Abadan, il y aura le rassemblement. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala il veut et on fait les causes, on applique Al-Aqidah Sahih. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال هناك ناس الآن يقولون لا تذكروا الشرك ولا تذكروا العقائد يكفي التسمي بالإسلام. شوف على انحراف والعياذ بالله. الشيخ الفوزان يغبط أن بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة يسون كثير يبخطب نسيت با لشوز كي فونو فير ديفيرجي. مثلا on va parler de la mas'ala, il est où Allah? Première chose qu'il va te dire, pourquoi tu poses cette question? Pourquoi tu parles de ça? Ça va nous diviser. Qu'est-ce que ça va nous diviser? C'est l'aqida. Ça va nous diviser? Na'am, al-haq ou al-batil. Amma, si on est tous ashab al-haq et on suit tous le Coran, au contraire, ça va nous rassembler. Lakin, ba'd al-nas, ils appellent li-hada. Wa al-iyadu billah. Qal li-anna hada yunaffir al-nas wa yufarriq al-nas. Qal, Cheikh Bouzan, il rapporte les paroles de Ha'oula. اتركوا كلا على عقيدته دعونا نجتمع ولا تفرقونا. شوف على كلام فارق. هذا المبدأ الآن بعض المسلمين تأثروا بالكفار. هذا الآن مبدأ الديمقراطية الطاغوتية الكافرة. أي ليس للمسلمين chacun il a sa croyance, chacun il fait ce qu'il veut, chacun il pense ce qu'il veut, l'essentiel on est tous des croyants. Ça c'est un كلام فارق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق. Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. Et s'ils se détournent, ils délaissent l'aqidat al-salaf, ils sont en perdition. Ha'oula, ils te disent là, chacun fait ce qu'il veut, on est des frères. Hatta ils ont atteint un niveau أنهم, ils prétendent qu'on doit se rassembler حتى مع اليهود والنصارى. Hatta yahoudi, tu dis c'est un kafir, c'est un najis. Un nasrani, tu dis c'est un mushrik, c'est un wathani. Tu lui dis mitla hadha al-kalam, il te dit là, c'est des êtres humains, c'est des croyants, min hadha al-kalam. Qala al-Sheikh al-Fawzan, ya subhanallah. Al-Sheikh al-Fawzan, l'an, il est triste min hadha al-kalam. Ya subhanallah, natruk al-shirk, wa la natakallam fi amr al-tawhid, min ajl an najmi' al-nas. Sheikh al-Fawzan, il dit, on délaisse tout ça. On ne parle plus du shirk, on ne met plus en garde contre Al-Kuffar, tout ça pour qu'on se rassemble. قال حفظه الله من أجل أن نجمع الناس وهذا الكلام باطل من وجوه. Il va répondre deux points pour montrer que c'est باطل. قال أولا لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة. Premier point. Pense pas au rassemblement إلا si ce rassemblement il est autour de العقيدة الصحيحة. تجتمع avec un mushrik. Qu'est-ce que tu vas gagner? Il te déteste, tu le détestes. Ce ijtima yahsul illa binifaq. Tu ne trouveras pas un rassemblement de mu'min avec le kuffar sauf s'il y a du nifaq. Hada il a deux visages, hada il a deux visages. Amma, un kafir qui n'a pas de nifaq, il fait apparaître son kuffar, et un mu'min qui n'a pas de nifaq, il fait apparaître son iman, ça ne se rassemblera jamais. C'est comme le feu et l'eau, abadan. Thaniyan, deuxième point qui nous a démontré sur le Fawzan. ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة صحيح أليه الفائدة tu veux satisfaire qui si t'es un mu'min tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. فأنت الآن تجتمع مع الكفار tu veux te rassembler avec les kuffar ou avec أهل البدع tu veux satisfaire qui les passions et dunya tu trouveras que c'est ça qu'ils cherchent. أما celui qui veut Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al-akhirah فلا يبالي. قال ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك. C'est ça le mabda الصحيح. C'est que tu suis le haq ولو t'es tout seul. Si t'es tout seul, c'est toi le جماعة. فهذا المبدأ il est خطير جدا. هذا المبدأ il est خطير. أن on se rassemble هكذا. لا. Le rassemblement il est à la عقيدة صحيحة. À la منهج سليم. Si la personne il a une bonne croyance, il a un bon منهج, on est des frères, on se rassemble. S'il a une mauvaise عقيدة, un mauvais منهج, on ne se rassemble pas, abadan. Sadisan, le sixième fruit, وهي ثمرة عظيمة, أن celui qui حقق cette aqidah, qui comprend, qui applique sa aqidah, فإنشاءالله il sera à la thabat. Il aura de la patience. Une épreuve, tu le trouves, il est sabir جدا. قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Tout ça c'est fondé sur ta aqida. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات الثبات c'est le fait de rester sur le haq, de pas trembler, de pas bouger à droite à gauche. ثبات. Tout ça c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une aqida sahiha. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne le thabat. Fi dunya, fi al-qabr, dès que tu meurs, et yawm al-qiyama, insha'Allah. Wa qala azza wa jal, alladhina, qala lahumun nas, inna al-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imanan, wa qalu hizmun Allah, wa ni'ma al-wakil. Ta'ammal ce thabat. La'allah, il va faire l'adhan. On finit demain, bi'idhnillah. ومن أهم هذه الثمرات أن من حقق التوحيد وحقق العقيدة فهذا من أعظم أسباب دخول الجنة بإذن الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وتعلمون أن العلماء يزابل العقيدة الإيمان نفس الشيء أو التوحيد. فالله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا أي إذن الإيمان الصحيح وعملوا الصالحات وهذه العقيدة كما ذكرنا أمس لابد أن تعمل بمقتضاها. أي cette عقيدة va impliquer des choses que toi tu dois appliquer أيها المسلم. فالسلوي كي حقق ست دو شوز الإيمان أي العقيدة والعمل أي العمل الصالح لابليك. فهذا بإذن الله سماغ على هذا الحال لمن أهل الجنة. قال عز وجل لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. هذا الحديث الآن النبي صلى الله عليه وسلم يمنطق أن من حقق المعتقد الصحيح أي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذلك الإيمان بأن عيسى عليه السلام سنبي سرسول كذلك أن الجنة سحق إلى أكن دوت أن النار سحق إلى أكن دوت فهذا بإذن الله يدخل الجنة أدخله الله الجنة. فسوف نوضح أهمية هذا الموضوع مهم جدا. من حققها بإذن الله حقق سعادته في الدنيا والآخرة. ومن تأمل وقرأ واطلع على سيرة الأنبياء والرسل وسيرة الأئمة أئمة الهدى فيجد من العجائب من الثبات بسبب أنهم إذا حقق هذه العقيدة celui qui il lit la biographie des prophètes ou des compagnons ou des savants tu vas voir des مواقف عجيبة من الصبر والثبات. Tu vas t'apercevoir que هؤلاء ils patientaient جدا et ils avaient un ثبات عجيب في الرخاء في الشدة تسا السبب أنهم إذا حقق عقيدة الأنبياء والرسل. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل خليل الرحمن. قال الله عز وجل أي في قصة إبراهيم قال لقومه أي إبراهيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الآن إبراهيم عليه السلام إلى توسل وحده إلى سوقهم إذا ضغ دي ستاتو مشركين وثنيين منهم أبو إبراهيم حتى سوقه. لكن اسمع وتأمل الموقف cette chagea الآن cette force qu'il a Ibrahim cette توكل tout ça s'est fondé على معتقد صحيح يعتمد ويتوكل على ربه جل وعلا. قال عز وجل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال ثم إبراهيم يقول قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الآن إلى أمام المشركين إلى السل إلى ست قوة أف لكم ومعروف كلمة أف ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الآن من شدة البغض الكفار المشركون ils ont décidé de brûler Ibrahim alayhi salatu wassalam wa huwa isa aw isabe alayhi salatu wassalam anna en appelant haula en mettant en garde contre ash-shirk Il savait ce qu'il risquait, alayhi salatu wa salam. Lakin al-aqida sahiha. Il est mutawakkil ala Allah. Il sait, comme c'est cité au début de l'aya, qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Il sait, alayhi salatu wa salam, anna al-naf' wa al-dharr il est biyadillah. Ils pourront lui faire qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Aqida. Aqida qawiyya. Qalu, ils ont dit, qalu harriqo. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا أي الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآيات فالله سبحانه وتعالى نصره توكل على الله إلى patienté إلى montré الله سبحانه وتعالى نصره حتى النار النار d'habitude le feu il brûle فتلمك إبراهيم توكل على الله Il a placé sa confiance en Allah, Allah nasara. Hatta ce feu qui brûle, pour Ibrahim, il est devenu bardan wa salaman. Pas Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ammal, il n'a pas dit bard faqat, parce que le bard, ça peut te faire du mal, le froid. Là, bard et salam. Et ça ne fera aucun mal à Ibrahim. Fa ta'ammal. Tout ça, c'est mabni ala mu'taqad sahih. الآن لو واحد il est face à une situation أقل من هذه أما هذه الآن la situation où il était Ibrahim elle était شديدة il est tout seul t'as ton peuple contre toi ils veulent le tuer ils veulent le brûler فأنت si t'es dans une situation أقل من هذه et t'as pas ce سلاح أي ce معتقد فستتعب ستتعب في دعوتك في الثبات في الصبر ستتعب جدا لأن السلاح العقيقي ton arme, أنت أيها المسلم c'est ton معتقد si t'es à la عقيدة صحيحة ستتبت وتصبر ولا تبالي بالأعداء en prenant les أسباب bien sûr كذلك تأمل موقف إبراهيم عليه السلام قصة مع ولده قال الله سبحانه وتعالى أو إبراهيم il avait un rêve أنه il égorgeait son fils sacrifice pour الله سبحانه وتعالى c'est son fils قال عز وجل عن نعم في سورة الصافات في سياق ذكر إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الآن إبراهيم عليه السلام يفعل un دعاء أن الله سبحانه وتعالى يرزق des enfants ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أي إسماعيل قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك شوف على بلوى وابتلاء يدمد الله سبحانه وتعالى un enfant الله سبحانه وتعالى يرزق إبراهيم إسماعيل فتعلم أنت la joie que le père il a quand il a un enfant. ابتلاء من الله أنه يفوق غاب cette joie. Il doit l'égorger لله عز وجل. الآن il faut un إيمان قوي جدا. Il faut une عقيدة صحيحة. أن de ses propres mains il doit sacrifier son fils. نحن بعض الناس il voit le sang du mouton il y a qui. C'est même pas son fils, c'est une bête. Hatta ba'd al-kafara, ils ont cette soi-disant défense. Ça, c'est batil. C'est batil. لأن ماذا? Ils sont khawi al-aqida. Khawi al-aqida. Ibrahim, alayhi salam, wasafahu Allah azza wa jal, annahu umma. Inna Ibrahim kana umma. Allah, il l'a qualifié que c'est une umma, lui tout seul. Il l'a qualifié de halim, de awwab. Qala azza wa jal. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الآن إبراهيم il avait un rêve أنه يسكرفي son enfant تعلمون أن رؤيا الأنبياء c'est وحي الآن هذا c'est من الوحي il demande à son fils Ismaïl ماذا ترى qu'est-ce que tu penses الآن تأمل le موقف de l'enfant de son fils كذلك لأن عقيدة متينة صحيحة قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين L'enfant, il sait que son père il lui veut du bien, il sait que c'est Amr min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Allah c'est le Hakim, c'est le Khabir, il y a une sagesse. Ismaïl il s'est soumis, Mubashar. Il a dit à son père, if'al ma tumar. Fais ce que Allah t'a ordonné. Ça t'a dit donné, incha'Allah, min al-sabirin. Tu me trouveras, incha'Allah. Et ta'ammal, hatta, ce mouqif, shadid, yufawid amrah ilallah. Il n'a pas dit, ça t'a dit donné, min al-sabirin. Là, ça t'a dit donné, incha'Allah. Si Allah il veut, je serai min al-sabirin. Ça montre un tawadu' une aqida matina jiddan. If'al ma tu'mar, ça t'a dit donné, incha'Allah, min al-sabirin. Comment l'histoire avec, ils ont remplacé Ismaïl par la bête, il a sacrifié une bête. Il s'est soumis à Allah, Ibrahim. Il a patienté, Allah lui a donné une issue. C'est ça le fruit de l'aqidah. Maintenant, on vous cite ces exemples pour te montrer les fruits qu'on a cités hier. C'est des épreuves adibes. Maintenant, vu qu'on a un iman, il est faible, via des zaman, et l'ilm il est faible. فالله سبحانه وتعالى إلي رحيم يبتلى المرء على قدر دينه قال عليه الصلاة والسلام قال كذلك أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل تأمل كذلك قصة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم ils sont في المدينة ils ont un traité de paix صلح avec اليهود Avec Al-Mushrikoun vi Mekka, Ma'ahada, Al-Kafara, ils n'ont pas respecté. Fait du jour au lendemain, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mahsour fil Madina. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a respecté, lui et ses compagnons, le traité. On ne vous attaque pas, vous ne nous attaquez pas. Fait Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était fil Madina, il n'était pas en situation prêt pour faire la harb. Fait du jour au lendemain, yajtami'oun kulluhum, ils encerclent le Madina. Ibtila et fitna. الله سبحانه وتعالى إلى ذكر الموقف في سورة الأحزاب قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر الموقف إذ جاءوكم من فوقكم au-dessus par les montagnes قال ومن أسفل منكم l'intérieur de المدينة اليهود بني قريظة Ils avaient un pacte, un traité de paix avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont fiers à Al-Madin. C'est les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bani Qurayza. Fal'an al-mushrikoun de Mecca, de beaucoup de tribus, ils ont entouré Al-Madinah et Al-Yahoud à l'intérieur. Tout cela, fal'an, ils ont encerclé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Sa mouqif, il est chadid. Qala azza wa jal wa idh zaghat al-absar. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون حصار plusieurs semaines عليه الصلاة والسلام il est entouré par هؤلاء قال عز وجل وتظنون بالله الظنون أن في هذا الموقف الصعب الشديد أي cette situation الآن difficile t'as deux catégories de personnes t'as ظن et موقف المنافقين qui était avec le prophète عليه الصلاة والسلام est à Zan et Mouqif al-Mu'minin, al-Sahaba. Et tu vas voir que c'est deux choses différentes. La différence, c'est quoi? C'est l'aqida. Ta'alamoun, anna fil Madina, il y avait des munafiqin. Des gens qui faisaient apparaître l'islam. Lakin, dans ce genre d'épreuve, tu vois que son comportement et sa façon d'agir, ce n'est pas celle d'un mu'min. Ouah, c'est un munafiq. Lakin, dans ce genre de situation, il fait apparaître son kufr. Allah subhanahu wa ta'ala fadahahum. Allah les a décrits dans surat Ahzab, قال وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا في هذا الموقف الصعب النبي صلى الله عليه وسلم الآن ils sont encerclés par le kuffar blocus pas de nourriture, pas de commerce là, ils attendent le moment pour les attaquer في هذا الحال اسمع ما يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ceux qui ont une maladie dans le cœur والعياذ بالله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أي tout ce qu'Allah nous a promis et tout ce que le prophète nous a promis أي comme quoi on va avoir la victoire comme quoi tout ça c'est du mensonge. Chouf al-munafiq comme il fait apparaître son vrai visage. عند المواقف الصعبة. وقال عز وجل وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. يثرب c'est l'ancien nom de Medina. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كذلك من المنافقين ce موقف الآن. Vu que c'est un munafiq, son cœur est mêlé avec le kufr. Il n'y a pas d'iman, il n'y a pas d'aqida. Il y a une aqida batila. Ils ont été voir le prophète Aïssa al-Salam. Et ils ont commencé à trouver des excuses. L'imana, il ne peut pas patienter. Il n'a pas d'aqida. Il n'a pas d'iman, il n'a pas de tawfiq minallah. Ils ont été voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils demandent la permission au prophète Aïssa al-Salam. Inna buyutana awra. Wa ma hiya bi awra. Aïe, nos maisons, il n'y a personne. On a laissé nos femmes, nos enfants, il n'y a personne pour les occuper. Enfin, nous, on va aller surveiller les maisons. Chauffe à la khudlan. Alors que le munafiq, il sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il a des maisons, il a des femmes. Les sahaba, ils ont des maisons, ils ont des femmes. Lakin, à sabr, on patiente, hatta yaftah Allah ala al-jami'a. On vit tous, binas, on meurt tous, ala khair. C'est ça, mon kif, les sahaba. La première chose, vu qu'il n'a pas une aqida, la première chose, sa femme et ses enfants et sa maison. Hagada, celui qui a une aqida faible, ou qui n'a pas compris sa aqida ou qui ne la met pas en application, la moindre épreuve, il fait passer femme, enfant, maison, dunya avant din. Amma al-mu'min al-salih al-muqtadi bi ha'ula al-anbiya wa al-sahaba. Là, chacun a son iman, il fait passer din avant tout. Haoula sahaba al-an, voilà où le blocus, il dure 10 ans, il ne bouge pas sa place pendant 10 ans. Hatta yaftah Allah alayhi. Amma andar munafiq, le début de l'épreuve, khalas, des excuses. Ça, c'est mawqif al-munafiqin. Awalan, su'adhan billah. Hakada, celui qui a une mauvaise aqida. Moindre épreuve, su'adhan billah. Il pense que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas le secourir. Il pense que Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, il lui veut du mal. Alors que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés, il les a élevés. Faqat. Deuxième chose, on a dit, les excuses. Il n'y a pas de fitane, tu le trouves. Masha'Allah, il est posé. Dès qu'il y a une fitna, daik shidda, tu le trouves, il a, du jour au lendemain, il a des dizaines d'excuses. Je dois faire, on m'a dit, je reviens, min hadha al-kalam. Ça montre adam al-tabat. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses fitan, il meyiz celui qui a l'aqida sahiha et thabat, de celui qui a une mauvaise aqida et qui n'a pas thabat. Nassa Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Al-an, ta'ammal le mawqif, mawqif al-sahaba. Mawqif al-mu'minin, ashab, al-aqida sahiha. حملت المعتقد الصحيح قال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فسام موقف المؤمنين دوس موقف شديد الآن بلوكيوس يسؤون سخلف على الكفار المؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسؤون كومانكو que la victoire elle va arriver. هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Ils ont dit, c'est ça qu'Allah nous a promis. مِنَ اللَّهُ. Les kuffars, ils se sont rapprochés. خَلَاص, Allah nous a promis la victoire. اليوم أو غَدًا بِإِذْنِ اللَّهُ on aura le dessus. صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Les autres, ils ont un sou'adhan billah. مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ça c'est le premier موقف de munafiq. Celui de sahaba, مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. A ton avis, si tu te poses la question, c'est quoi la différence? C'est l'aqida. C'est que les sahaba, ils étaient à l'aqida matina. Ils ont délaissé femmes, enfants, certains d'entre eux. Ils ont fait les hijras, ils ont délaissé leur pays, Mecca, leur ville. Tout ça, c'était l'illah. Enfin, un, ce mawqif, mawqif al-ahzab, il a déjà tout délaissé pour Allah. Enfin, khalas, il est prêt. Amma al-munafiq, là. Munafiq, il a suivi le prophète d'Aïssa al-Salam. Il a un avantage. Dunya. Fal an, dans ce mawqif, il n'y a plus de dunya. T'es encerclé. Tu peux te faire tuer à tout moment. Fal munafiq, il fait apparaître tout ce qu'il a. Vu qu'il espérait de dunya et dans ce moment, il n'espère plus, il afshal. Attention, attention, al-hadar min at-ta'alluq bid-dunya. Cette dunya, les a'ila. ces sahaba là, ils sont morts il y a des siècles, radiyallahu anhum. Inch'Allah, ils sont fi khayr. Radiyallahu anhum wa radu an. Amma haula al-munafiqin, ceux qui sont morts à la nifa, ils sont fi d'ark al-asfani min al-nar. Khalidin fiha, ils sortent plus jamais. Wa al-iyadu billah. Qala azza wa jalla wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Avec tout ça, sabr wa thabat, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mouqif, il leur ajoute l'iman. Il leur ajoute l'iman. Fal'an, sahaba, plus avance, plus isbar. Hatta fatah Allahu alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala sallata ala al-kuffar rih shadid. Ay, un vent froid, il leur a fait du mal. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, ils ont creusé une tranchée. Al-kuffar, ils attendent. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur envoie un vent. Ça dure une semaine, deux semaines, trois semaines. Ta'lamoun, kuffar, il n'y a pas d'aqida. Ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour et ils ont laissé Bani Quraïda. Ta'ammal al-Nas. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont patienté. Kuffar, Quraïda, ils sont repartis à Mecca. Al-Arab, min al-Mushrikin, des autres tribus, chacun il revient dans sa tribu. Ils laissent al-Yahoud au milieu de la Madina et ils ont pas respecté le traité de paix. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve seul face à Bani Quraïda. Nasr min Allah. Allah il leur a facilité. Hatta fi akhir al-Hijar, tellement que ça les a fatigués, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du blocus, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu se reposer. Jibril alayhi sallam, il est venu le voir. Il lui a dit, ya Rasulallah, est-ce que vous avez déposé les armes? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, naam. Ils sont partis, al-An, on va se reposer. Jibril lui a dit, amma nahnu, ay nous, al-Malaika, on n'a pas déposé les armes. Tumba Jibril, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-An, tu diriges Bani Quraïda عند اليهود. Fal-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a repris les armes avec ses compagnons, ils se sont dirigés Bani Quraïda, le quartier de Yahoud. Ceux qui n'ont pas respecté le pacte. Fal-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il a décidé que celui qui allait juger Haoula pour ce qu'ils ont fait, c'est Sa'd ibn Mu'ad. Al-Sahabi al-Jali. Comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hakama bi hukmillah. Nasr min Allah. Tout ça, c'est fondé sur le mu'taqad al-sahih. Al-Kuffar, ils ont compris anna nasr al-mu'minin wa izzat al-muslimin c'est bil-aqida al-salafiyya. Ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'une personne, quand il a une aqida, tu ne peux plus le faire bouger. Imma, il prendra le dessus sur toi, imma, pour te débarrasser de lui, tu le. Amma, une personne qui a une aqida, tu ne peux plus rien faire. Khassatan, si c'est une aqida sahiha. Yanna, il aura un tawfiq min Allah. Comme ce qu'on a lu, les exemples d'Ibrahim et du prophète, alayhi salatu salam. Falamma alima al-kuffar la yazaloun yuharibun hadhi al-aqida. De l'époque du prophète, il a l'âme. Il a un yasha Allah. Qala azza wa jal, wa la yazaloun yuqatilounakum hatta yaruddukum undinikum in istata'u. Ils vont pas cesser de vous combattre, al-kuffar, jusqu'à, s'ils peuvent, tu délaisses ton din. Et ton din, c'est l'aqida. C'est ça ton din. La base de ton din, c'est l'aqida. Fal-kafir, al-mushrik, al-mujrim, il fait tout pour faire du mal à l'aqida du muslim. Wa fi hadhi al-azmina, ils ont des wasa'il idda, wa turuq shatta, pour écarter le muslim de sa aqida. Leurs écoles, leurs journaux, wasa'il al-i'lam, les médias, ils font tout pour faire croire aux musulmans que ce qui se passe, c'est la nature. Ça, c'est muharabat al-aqid. Tu trouves la première chose quand il y a un tremblement de terre, matalan, c'est la nature. Abadan, ils diront, c'est Allah. Pour combattre l'islam ou les musulmans, jamais tu l'entendras dire, c'est Allah. Abadan. Il y a une chose que tu entendras, c'est la nature. Et l'enfant, ou al-jahl, qui vit au milieu de haoula, il a ta'athar jiddan. Tu trouves des enfants, hein, ils ont une aqida, ils ont vécu avec le kuffa, Anna, c'est la nature. Sous nature, le haqqa, il ne veut rien dire. Ça veut dire quoi la nature? Ça ne veut rien dire du tout. Lakin, hum, ils ont trouvé cette chose et ils te font croire, c'est la nature. Antal an, idata ammalta, il y a un tremblement de terre, c'est la nature. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? C'est la nature qui a fait un tremblement de terre. Ça ne veut rien dire. Amma al-muslim, il a l'aqida, c'est Allah, Azza wa Jal. Al-Khaliq, al-Qadir, al-Muhyi, al-Mumit. Amma la nature, ça ne veut rien dire. C'est une chose qui ne veut rien dire. Lakin, ils ont remplacé al-jalala Allah par la nature. Kadhalik, al-kuffar harabu hadhi al-aqida بما يسمى بالديمقراطية العلمانية الطاغوتية الكافرة. يكومبات العقيدة avec cette démocratie dictale. إذا تأملت, si tu médites sur les fondements de la démocratie, liberté, égalité, fraternité, liberté, الحرية, égalité, المساواة, fraternité, الأخوة. Si tu médites sur ces trois fondements, tu verras que ces trois fondements, ils combattent l'aqida jiddan. Famathalan, al-musawa. Démocratie, al-kuffar, ils appellent à hada. On est tous égaux. Fi al-Qur'an al-Karim, wa fi sunnat al-Nabi alayhi sallam, anna ce fondement, il est bâtel. Qala azza wa jal, afa man kana mu'minan, ka man kana fasiqan, la yastawun. Celui qui est mu'min, avec une aqida sahiha, il n'est pas comme le fasiq, le kafir. Il adore une vache, il adore le soleil, il adore des arbres, il adore des pierres. Afa man kana mu'minan, ka man kana fasiqan, la yastawun. Ils ne sont pas égaux عند Allah. Al kafir, al démocrate, il fait tout pour te faire croire que les êtres humains, ils sont égaux. Quelle que soit sa aqida. Ma'a hada, c'est du kadhib. أما هم يحارب الإسلام أم مسلم سبا إيقال أن ديموقراط بغو أبدا الأخوة لا فخاترنيتي كما يزعمون أوني توس إيقو إي لا فخاترنيتي أوني توس دي فخير قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله شو تخبغا با أن مسلم مؤمن كان عقيدة صحيحة إمي كافر أبدا سيسون إنمي كما يفعل إنمي Démocratie, Allah, il l'a har. On est des frères, on est des frères. C'est du kadhib. C'est du kadhib. Qala azza wa jal, innama al-mu'minuna ikhwa. Al-ukhwa, elle est réservée pour le mu'min. Ton frère, il a la même aqida que toi. C'est ton frère. Amma, il n'a pas la même aqida que toi. Abadan. C'est un adou, c'est un mujrim, c'est un kafir. Min awliya iblis. Le troisième fondement, al-hurriya. La liberté. T'es libre. Tu vas avoir une aqida sahiha ou une aqida batila, t'es libre. Ça coupe l'aqida. قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété une chose, ou son prophète عليه الصلاة والسلام, le musulman il n'a pas de khira, il n'a pas de choix. Démocratie, elle te dit t'es hur. T'as pas le droit de dire Fulan c'est un kafir. Fulan Sanegari, là, c'est tous des citoyens, on est tous égaux, on est tous des frères. Hada sa combat l'aqid. Qal azza wa jal, wa man yasillah, wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre que c'est du dhalal, celui qui s'écarte de l'aqid, qui s'écarte de manhaj al-anbiya. Haoula, là. Là, pour eux, t'es un citoyen parmi les autres. T'es pas mieux que lui, il est pas mieux que toi. Hatta tout ça, ces fondements, on sait nahnou que c'est du kadhib. Prends le domaine de l'emploi. Tu vas voir si on est tous des frères, on est tous égaux. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Lakin al-ajab ou al-ajib, c'est que ba'd al-muslimin, tu le trouves, il croit à ces choses. Et il ne sait pas le miskin, il est en train d'annuler sa aqida. Et s'il annule sa aqida, il est fi shaqawa wa khusran wal-iyadu billah. Fa ahl al-dhalal min al-kuffar wa hatta al-mubtaja'a fa ikombat al-aqida al-salafiyya jiddan. تأمل عقيدة الرافضة عقيدة الصوفية عقيدة الجهمية وإن شاء الله dans les دروس عقائد هؤلاء فتشوف واخي كومبات أهل السنة جدا الرافضة ils insultent مثلا أو ils essayent de montrer que أهل السنة السلفيون c'est des نواصب c'est des كذاب أهل السنة ils détestent la famille du prophète صلى الله عليه وسلم c'est un mensonge c'est un mensonge الجهمية ou al-mu'tazila ou al-mu'attila umouman, ils accusent Ahl al-Sunnah mujassima. Ahl al-Sunnah, ils disent qu'Allah il a des noms et attributs. Pour eux, Ahl al-Sunnah, ils ont fait ressembler Allah à la créature. C'est du kadhib. Tu trouves Anna al-Khawarij, ils accusent Ahl al-Sunnah de irja. Tu trouves al-Murji'a, ils accusent Ahl al-Sunnah de takfir. Tashabahat qulubuhum. Tous, ha'oula min kuffar wa mubtadi'a, Ahl al-Dhalal, ils combattent tous mu'taqad Ahl al-Sunnah. Akhi, si tu as compris tout ça, pourquoi on vous cite cette muqaddimah? Pour te montrer que cette aqidah que tu vas apprendre, c'est une ni'ma min Allah. Et cette aqidah que tu vas apprendre, Ahl al-Kufr, wal-Dhalal, wal-Ilhad, ils la combattent nuit et jour. Anta tashtahid. Tashtahid. Wa salaf, rahimahumullah, ils avaient une inaya azima pour cette aqida. C'est pour ça qu'Allah les a élevés. Falamma dakhala fil islam ba'd al haqidin al munafiqin. Après la génération des compagnons, al tabi'in, al kuffar, min yahoud, nasara, wathaniyin, ils ont voulu faire du mal à l'islam, enfin ils ont fait rentrer des personnes, ils ont fait apparaître l'islam et ils ont combattu l'aqid. Matalan Abdullah ibn Saba, al yahoud, il est rentré vers l'islam, avec l'apparence de l'islam, et il a combattu l'islam. Et il leur a fait croire, wal'iyadu billah, que Ali c'est Allah. Al-Saba'iyya. Ali les a combattus, radiyallahu anhu. Hadha al-ansa yahoudi, il n'a rien à voir avec l'islam. Fa, lamma dakhala ha'oula fil islam, fassadat kathir min aqaïd al-muslimin. Beaucoup de muslims, ils ont fait du mal à leur aqid. Léana ahl al-dhalal, ils ont commencé à appeler al-rabd, al-jahmiyya, al-mu'tazila, al-sufiyya, al-asha'ira. Fa kathir min al-muslimin, ils sont égarés. فبزغ نجم الزندقة وظهرت الفرق الهالكة فكثر الجدال والكلام في مسائل القدر والصفات. Les dourous qu'on va faire là, tu vas voir le niveau qu'ils ont atteint fil jidal, la polémique, wal kalam al fariq, kalam il a aucun sens fi al asma wa sifat et fil qadr. Hatta ils ont rejeté, ils ont pensé que si tu dis Allah il a deux mains, c'est comme les mains des créatures. Ils ont pensé que si tu dis Allah il a tout décrété, il a tout écrit, ça veut dire que tu n'as plus le choix. Tout ça c'est min al-jidal al-batil. Ils n'ont pas compris al-aqida. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna hadhi al-umma sataftariq ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Ce tafarruq fi al-aqida, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a démontré. Anna cette umma elle va se diviser. Kadhalik ishtadda al-bala أن في زمن المأمون في زمن المأمون كما سيأتي معنا ترجمت كتب الفلسفة والمنطق. ça c'est une belle عظيمة على المسلمين. كثير من العوام كثير من المسلمين الحكام والمحكومين إذا تعلى العقيدة أهل السنة على الفطرة. لكن المأمون il a décidé de traduire les livres de philosophie. فكثير من الناس ils les ont lus تأثروا. Ça te montre anna min a'zam asbab al-inhiraf, c'est de lire kutub ahl al-dhalal. Fashtadda al-bala. Fashtadda al-bala wa kathir min al-nas inharafu. Lakin a'immat al-sunna, a'immat al-sunna qamu bi jihad azim. A'immat al-sunna, quand ils ont vu cet égarement, kutub al-falasifa, ils ont été traduits en langue arabe. Et ahl al-dhalal, ils appellent à leur égarement al-rawafid, al-nawasib, al-jahmiyya, al-mu'tazila, الأشاعرة المفوضة أئمة السنة قاموا بجهاد عظيم. ألف الإمام أحمد رحمه الله الرد على الزنادقة الجهمية كذلك كتاب السنة. Son fils il a écrit كتاب السنة. Tous ces livres الآن ils montrent العقيدة الصحيحة et ils démontrent l'égarement de هؤلاء الروافد والجهمية والمعتزلة. الإمام البخاري رحمه الله il a écrit خلق أفعال العباد. Il a démontré Anna, tes œuvres, ils sont créés. Allah, c'est lui qui a tout décrété. Contrairement à ce que certaines personnes y prétendaient. Al-Imam, Al-Darimi, rahimahullah, allafa al-rad ala al-jahmiya kadhalik. Ou al-rad ala Bishr al-Marisi. Al-Imam ibn Khuzayma, ou qablahu, Al-Imam ibn Abi Asim, allafa kitab al-sunna. Tout ça, c'est la même période l'an. Vu que le Batil il est venu, il a combattu l'islam, a'immat al-sunna, ils ont fait un djihad azim. الإمام محمد بن إسحاق المعروف بن خزيمة إلى يكري كتاب التوحيد في الأسماء والصفات إلى بدأي المسألة. كثير من كتب السلف يعني يزون دي مدخل عقيدة كتاب الشريعة كتاب الإيمانة شرح أصول اعتقاد أهل السنة كتب عظيمة. هكذا يزون في الجهاد حتى الله سبحانه وتعالى إلى فاسيليتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كومباتو الأشاعرة والماتريدية dans ses كتب avec un djihad عظيم. فإلى يكري الواسطية إلى يكري التدمورية إلى يكري الحموية تسا ردا على أهل الباطل jusqu'à nos jours الآن نحن on profite de djihad هؤلاء. الإمام أحمد رحمه الله il a été torturé, emprisonné, fouetté que pour cette عقيدة. Ils lui ont rien reproché. C'était pas un voleur, c'était pas un menteur, abadan. Lakin, Ils lui ont dit, dis, le Coran, il est makhlouq. Il a dit là, le Coran, c'est kalam Allah. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Bissabab, cette aqida, qati'at ru'us. Wa soufikat dima. Sabab, cette aqida, il y a des personnes, ils sont morts. Il y a des personnes, ils ont été emprisonnés. Bah, anta, ayyuha talib, ne crois pas que l'amri est ça. Là, là, c'est d'oros, tu dois t'accrocher, anta. Allah subhanahu wa ta'ala, demain, il peut te prouver. Demain, tu peux arriver dans un endroit, une personne, il a fait l'aqidat al-jahmiya. Ou le mu'tazila. Si tu es à la mu'taqad sahih, tu pourras montrer aux gens son batil et tu pourras montrer aux gens al-haq. Al-ijtihad. Al-ijtihad. C'est durus, c'est une ni'ma. Durus al-aqida, c'est une ni'ma pour toi. C'est une ni'ma pour toi, lakin, cette ni'ma, il faut la préserver. La régularité, la ponctualité, la sincérité, al-muraja'a. On rentre dans ces durus avec quwa, avec ijtihad. يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال الله عز وجل فأنت سدروس لو رنتري بقوة c'est pas le premier jour après deuxième jour après je viens plus après je suis plus régulier après j'ai une chose à faire on l'a vu نحن هذا tu trouves des frères machallah من البداية إلى القوة إلى الله il le facilite premier cours dernier cours c'est le même tu trouves بعض الإخوة ils ont du mal لماذا لأن cette نعمة نحن on vous a fait cette مقدمة pour que tu te rends compte فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين